confrontation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she sings, she wants every word. She's a vampire free. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 120e Vampire Freaks, c'est la spéciale. Et avec nous, il y a les champignons électriques. Salut Valentin, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, nickel. Donc du coup, voilà, on va faire une émission un peu spéciale. T'es resté là, mais tout à l'heure, j'ai gardé une petite trace avec les autres. Donc du coup, vous avez fait un peu de programmation. Et donc on commencera tout de suite avec La Tristesse de la Lune de Celtic Frost. C'est sorti en 1987, réédité en 2017. On retrouve... Babylon Fell, I Won't Dance et One in Their Pride. Et Tristesse de la Lune, c'est en référence au très célèbre poème de Charles Baudelaire, du même nom. Ok, on écoutera ensuite Chemical Warfare des Dead Kennedy. C'est sur l'album Fresh Fruit for Rotting Vegetables, sorti le 2 septembre 1980. On retrouve Kill the Poor, Drug Me et Viva Las Vegas de... Elvis Presley. Et donc on écoutera ensuite droit devant le nouveau Eric Karma, c'est sur l'album Citoyen du Monde sorti en 2017. On retrouve Ici et Maintenant, Avant de partir et Rester digne. On écoutera ensuite un petit truc, tu vas voir, ça va te plaire ça. Défendons nos opinions, de nouveau Route Saint-Louis, c'est sur l'album Punk de Chalet sorti en 2017. On retrouve Éternel Combat, La vie passe trop vite, le blues du punk, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp et bientôt sur YouTube. Et on finira ce bloc en live avec Charnier Matrice de Us Goliath. C'est sur le live Chant des Martyrs à Tours en juillet 2011. C'est un 4 titres. On retrouve Charnier Matrice, Devil, Balle Dépendue et Cri d'Aveugle. On les retrouve sur Bandcamp et sur YouTube. Tu peux m'en dire plus sur ce groupe-là ? Us Goliath, c'était un groupe qui avant mettait la croix celtique sur son logo dans le but de faire partir ceux qui ont la morale un peu trop à cœur, les mecs qui ont tellement lu Kant que ça leur sort par la bouche à chaque fois qu'ils parlent. Et finalement, ils l'ont enlevé parce que quand ils se sont rendus compte qu'il y avait que des suprémacistes ariens à la con qui venaient à leur concert, ils se sont dit que c'était peut-être pas une bonne idée de faire de la musique pour ces cons-là et de faire quelque chose pour les gens qui aiment le terroir mais qui n'aiment pas spécialement lever le bras droit à 45 degrés. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main discrète et légère caresse. Avant de s'endormir, le contour de ses seins. Des molles avalanches mourantes, elles se livrent aux longues pâmoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Ennemi du sommeil, dans le creux de sa main, prend cette lame pâle, aux reflets irisés comme un fragment d'opale. Elle la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. Le destin n'attend pas. nos doigts. Tout commence ici, à l'intérieur de soi. Dans la vie, rien n'est impossible quand on y croit. S'approche de l'image, elle disparaît tel un mirage. Alors on roule droit vers l'horizon en se fixant une direction. Et même si la vie nous malmène, on s'accroche car ça vaut la peine. Toujours avancer. L'homme on chantera tous en cœur. Tout le monde est là pour donner le meilleur. Plus qu'à se laisser emporter. Tes soucis partiront en fumée. Rien ne sert de résister. Les cris de la foule vont nous enflammer. Toutes les mains en l'air vers le ciel. Ensemble on se sent pousser des ailes. J'entends déjà le chant des sirènes. Ce soir encore je répondrai à l'appel. Toujours avancer. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Qui dira, faut-il assez grand. Donc voilà, c'était Us Galliath, le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Très, très très très bon groupe de black français accroché à son terroir. C'est un CD qui est limité à 50 exemplaires, qui a été vendu par France Doll Productions, qui est un très très bon label de black fondé par Dunkel, qui a travaillé sur le projet Salfreux, sur le projet Jessie Froid, le projet Brouillard et sur encore d'autres projets que je vous laisse découvrir par vous-même. Vous êtes toujours dans la 120e Vampire Freaks. Merci Valentin pour cette petite précision, c'est toujours cool. Donc on vient de s'écouter Tristesse de la Lune de Celtic Frost, Chemical Warfare de Dead Kennedys, Droit devant le nouveau Eric Karma, Défendant nos opinions le nouveau Route Saint-Louis, et donc comme tu disais, on a fini avec Charnier Matrice de Us Galliath. On continuera cette émission avec L'amitié est un plat qui se mange froid de Guérilla Poubelle, c'est sur l'album Amor Fati qui est sorti le 27 septembre 2013. On retrouve Marc et l'histoire, 50€ et nulle part c'est chez moi. Pertinent. On écoutera ensuite Sweet Little Beach de Specials, c'est sur l'album The Specials sorti en 1980. On retrouve Too Much Too Young, Message to Rudy et Gangsters. On continuera avec une nouveauté, Be Mine, le nouveau Sidhu, ça va te plaire ça Sidhu. C'est sur l'album Motel, leur troisième album sorti en 2018. On retrouve Say Me, Wishing et Be Mine notamment. Wishing et Be Mine, les clips ils sont sur YouTube. Sinon on les retrouve sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes légales. Et ils sont en lice pour le crochet de Voice of Hell qui prépare des groupes, nouveaux groupes pour jouer au Hellfest bientôt. On continuera ensuite avec La Javanceurjoie de Renaud, c'est sur l'album Amoureux de Paname sorti en 1975. On retrouve Société Tu Mourras Pas, Examen Gone et Camarade Bourgeois Camarade Fils à Papa. Et on finira ce bloc avec Acte 2 scène 2 My Soul Idols, c'est une exclue de Seminole, c'est sur l'album Ophelian's Field sorti en 2018. On retrouve Hidden Desire, Her Majesty of Flower et Crown of Thorns. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Moi j'aime bien chanter la racaille, la mauvaise herbe des bas quartiers. Les mauvais garçons, la canaille, ceux qui sont nés sur le pavé. J'ai bien du mal à les chanter, tellement qu'elles sont tristes mes histoires. Mais celle que je vais vous raconter, elle fait même pleurer ma guitare. Écoutez-la, ma Java sans joie, c'est la Java d'un petit gars. Écoutez-la, ma Java sans joie, la Java d'un petit gars qui était sans foi ni loi. Sa mère l'avait eu un beau soir, alors qu'elle s'y attendait pas. Il est né près des grands boulevards, sur le pavé humide et froid. Il a jamais su le nom de son père, puisque sa vieille 20 fois par jour. Pour 10 sacs s'envoyer en l'air, dans un boxon de la rue du Four. Écoutez-la, ma Java sans joie, c'est la Java d'un petit gars. Écoutez-la, ma Java sans joie, la Java d'un petit gars qui était sans foi ni loi. Après avoir quitté l'école, ou qui s'est pas trop attardé, il s'est mis dans la cambriole avec ses copains de Saint-Mandé. Il a voyouté quelques temps avec Dédé le surineur, avec Jules-Aude Ménilmontant et toute la bande du Sacré-Cœur. Écoutez-la, ma Java sans joie, c'est la Java d'un petit gars. Écoutez-la, ma Java sans joie, la Java d'un petit gars qui était sans foi ni loi. Il commençait à se faire un nom, et dans les petits bals musettes, lorsque jouait l'accordéon, on voyait tourner sa casquette. Il buta son premier larron, alors qu'il avait pas 20 ans. Le crime c'était sa vocation, l'arnaque c'était son tempérament. Écoutez-la, ma Java sans joie, c'est la Java d'un petit gars. Écoutez-la, ma Java sans joie, la Java d'un petit gars qui était sans foi ni loi. Dans le quartier où il faisait son beurre, y'a des gens qui l'appelaient monsieur. Mais les flics, ces petits fouineurs, ne le quittaient jamais des yeux. Quand il a eu un peu trop de sang sur ses doigts couverts de bijoux, ils l'ont ficelé sur du bois blanc et ils lui ont tranché le cou. Écoutez-la, ma Java sans joie, c'est la Java d'un petit gars. Écoutez-la, ma Java sans joie, la Java d'un petit gars qui était sans foi ni loi. Écoutez-la, ma Java sans joie, c'est la Java d'un petit gars. Écoutez-la, ma Java sans joie, la Java d'un petit gars qui était sans foi ni loi. Écoutez-la, ma Java sans joie, c'est la Java d'un petit gars. Écoutez-la, ma Java sans joie, la Java d'un petit gars qui était sans foi. Yeah. spin your fire like to have another song. A change of state inside your body. Vous êtes toujours dans la 120e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon, toujours avec Valentin. Ça va Valentin, t'as passé une bonne soirée? Ouais, ça va. Je vois que t'es fait un pote. Ouais, gentil chien. Alors, on vient de s'écouter. L'amitié est un plat qui se mange froid, des Guérillas Poubelles, Little Beach de Specials, Be Mine, le nouveau See You. Ensuite, la Java sans joie de Renaud. On a écouté ensuite Acte 2, scène 2 de My Girl Idols. C'était une exclusivité de Seminole. On continuera cette émission avec Rose Tattoo de Dropkick Murphys. C'est sur l'album Sin, Sealed and Blood, sorti en 2011. On retrouve Boys Are Back, Battles Rexon et Prisoner Song. On écoutera ensuite un petit live comme ça pour se faire plaisir. Keep Him Away des Slakers, c'est sur Live at Ernesto en 2011. On retrouve tous les classiques des Slakers. On écoutera ensuite la grosse déconnade Mao de Ludwig von 88. Une petite dédicace à un pote Redskin d'Obna qui se reconnaîtra. C'est sur l'album La Révolution n'est pas une idée de gala, sorti le 9 juillet 2001. On retrouve Fracas, Prolétaire, Arlette de le retour et Creusfeld Jacob. J'aime bien Creusfeld Jacob comme morceau. On écoutera ensuite une exclusivité. Le Crapaud, toujours de Ace Goliath. Il plaît hein, ce groupe, hein, Ace Goliath. Hein. Ouais. C'est sur l'album Avant que notre mémoire ne se flétrisse, sorti en 2018. Donc c'est d'édition limitée à 50 exemplaires. Et c'est une bonus track cette chanson là donc en plus c'est même pas un truc à l'oreille et on finira ce bloc en live avec Tobin Gunn des Clash. C'est sur Live à Chia Stadium le 6 octobre 2008 et on retrouve tous les classiques des Clash. T'as quelque chose à rajouter ou... Bah, à part le fait que le crapaud c'est inspiré d'un ça vient d'un poème aussi de François Corbière je crois. Donc si vous voulez redécouvrir les poètes maudits, black metal. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. I wear it just for you. I got your name written here. In a rose tattoo, I got your name written here in a rose tattoo. you're gone. You'll always have my love. Our memory will live on. Some may be from showing up. That's for the fucking police. And this one's for the fucking skinheads. We'll be right back. révolution n'est pas indigne de gala. La révolution n'est pas indigne de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Au combinat sidérurgique de la ville de Wuhan. Au combinat sidérurgique de la ville de Wuhan. Il y a des hommes, il y a des femmes qui déplacent les montagnes. Il y a des hommes qui triment comme du gros déplacer les montagnes. Ils sautent à pieds joints, un grand bond en avant. Oh oui, oh oui, sans fleurs au fond du cœur. Ils suent et ils rient, et s'ils poussent de travers, ils seront redressés par un travail assidu. Ils chantent du Yunnan au Sichuan. Et quand l'Orient bourgeois, il frétille dans la joie. La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Dans l'usine textile numéro 12 de la ville de Chengdu. Dans l'usine textile numéro 12 de la ville de Chengdu. Il y a des filles, il y a des gars qui œuvrent sans broncher. Il y a des filles qui font du petit bois, des tigres en papier. Nageant comme des carpes, ils traversent le fleuve bleu. La révolution est belle, oui elle les rend heureux. Pour atteindre l'harmonie, ils traverseront la porte de la paix céleste sous les yeux du grand timonier. Ils chantent et tous de bonne humeur. Dans les champs ils sifflotent, pas au fond du cœur. La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, ça arrache. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques, très bons sons maison. Vampire Freaks, ça arrache. Yeah! like to take you to New York, to Jamaica and back. Merci, merci pour les applaudissements, merci. Vous êtes toujours dans la 120e Vampire Fix avec Valentin et même tous les champignons électriques. On vient de s'écouter Rose Tattoo des Dropkick Murphys, Keep Him Away en live des Slakers, Mao de Ludwig von 88, Le Crapaud de Us Goliath. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est Tristan Corbière le nom du poète français. Et donc Tommy Gunn en des classes. On continuera cette émission avec l'interview du groupe et on écoutera ensuite Fuck Me Freddy, le nouveau Bad Trip, c'est sur l'album Les Contes de la Trip, sorti en 2018. On retrouve Car Nous Sommes Nombreux, Hansel et Gretel, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes. On écoutera ensuite une autre exclusivité, Lance Enflammée de Control Tower, c'est sur son nouvel EP qui vient de sortir, Comme une famille moderne, EP 4 titres. On retrouve, sorti en 2008, on le retrouve sur Bandcamp, Facebook. Et pour le son, vaut mieux lui demander parce que pour l'instant, il n'y a pas de Bandcamp. Ici, il y a Bandcamp. Vous pouvez télécharger sur Bandcamp. Mais bon. Ensuite, on retrouvera Brainwashed by Government de Genetic Error. C'est sur l'album Toxic Planet, sorti en 2015. On retrouve Toxic Planet, Heads et No Future. Allez sur la page Facebook de Genetic Error. Ils sont aussi sur Bandcamp et sur toutes les plateformes. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Armadillo, le nouveau Void. C'est un EP à paraître. On les retrouve pour l'instant sur Facebook et bientôt sur les plateformes et je pense bientôt sur Bandcamp. Et on finira ce bloc en live avec Walk Away de Franz Ferdinand. C'est sur un live 2014 et on retrouve tous les classiques de Franz Ferdinand. Alors les champipis, comment ça va? En forme? En forme. En forme. Bah déjà je suis super content que vous soyez là, déjà, parce que c'est la 120e, donc c'est pas n'importe quoi, c'est un bon truc. Et justement, on vous connaît pas bien et j'aimerais qu'on vous connaisse mieux et on va tout faire en sorte. Déjà on va parler un peu de vous. Qui êtes-vous les uns les autres et qu'est-ce que vous jouez comme instrument? Moi je suis la névrose, je suis le chanteur et je suis aussi guitariste. À mi-temps. À mi-temps, oui. Bah moi je suis guitariste. Mais vos noms aussi de temps en temps. Je veux des noms. C'est d'incarne. Moi c'est Ulysse et je joue de la basse et je suis sympa. Moi c'est Raphaël et je joue de la batterie. Il est sympa aussi. Voilà. Donc du coup, date de création du groupe des champignons électriques. C'est un peu compliqué. On sait pas trop. Si, on l'avait décidé en avril, je crois. En avril 2016. Non, on a beaucoup changé de chanteur. Enfin, deux fois. Bah, en premier, on avait un chanteur qui est devenu Skin. Après, on a eu un chanteur qui était un gros babos et qui du coup était motivé, mais des fois non. Et du coup, ben, un jour, il est parti au Vendange et on l'a plus trop revu. Après le concert. Ouais. Alors, plutôt reprise ou compo? Ah ben, plutôt compo. Ah, ça c'est des bonnes nouvelles, ça. Des projets, des uns et des autres. Moi j'aimerais bien, quand je jouerai vraiment bien de la guitare, lancer un projet de black metal un peu particulier, dont je connais déjà le nom. Mais je vais pas le dire parce que je sens que je risque de me le faire piquer parce que c'est un bon nom. Bah, continuer les champignons électriques aussi. Voilà. Bah, oui. Faire des concerts, enregistrer des trucs. Faire une démo. Voilà. Un EP. Une petite démo, EP, ouais. Ça, on va gérer ça. Alors, pour quand la chaîne YouTube et autre page? Alors, les deux sont créés, mais la question c'est de les mettre à jour. En fait. Il faut gérer. Ah, les deux, ouais. Oui. Et d'ailleurs, sur YouTube, on va pouvoir clipper un de nos morceaux qui est fini. Et j'ai déjà quelques idées de mise en scène pour un morceau qui s'appelle Bouffe un Faf. Ah, c'est pour ceux de l'Action française et du Bastion social. On vous aime. Alors, quand le prochain concert? On sait pas trop. On a des projets, mais on sait pas. On a fait un concert, mais on sait pas quand. Ouais. Encore. Parlez-moi un peu du collectif de l'œuf de pierre. C'est un collectif qui est censé valoriser les groupes locaux de rock. Censé. Oui, parce à que noter. En gros, le problème, c'est que il y a pour un groupe local qui joue, il y a deux crises de la quarantaine métal qui font des reprises et des tributes. Bon, ça peut être intéressant, mais quitte à aller voir Motorhead en concert, ben autant prendre sa place pour l'enfer et directement aller voir Alémi. Parce que là, du coup, il y a pas trop de choix. Ah ben, le seul moyen, c'est de faire plein de péchés capitaux pour finir à côté de lui. Et justement, que se passe-t-il le 7 avril à Sabrac? Eh ben, il se passe concert de l'Œuf de Pierre. Du collectif. Ouais, avec Faux Accept et Faux Motorhead. Bon, j'ai rien contre eux. J'ai quelque chose contre le concept de tribute. Mais ces gens à côté sont, enfin, composent, font un truc comme ça et que là, bah ouais, vaut mieux qu'ils composent et qu'ils arrêtent de faire les cons avec des trucs, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a plein de tas de groupes locaux, même chez nous, ne serait-ce que dont on parle pas assez. Et justement, quand on est censé ouvrir la porte aux groupes locaux, et ben on ouvre la porte aux groupes locaux, quitte à pas gagner trop d'argent. Bah qui compose, quoi. Voilà. Et puis au premier concert des Sex Pistols, il y avait 42 personnes. Et au premier concert de Joy Division à Manchester, il n'y avait pas non plus. Ils étaient trois, quoi. Ils étaient trois, j'ai vu les images, ils étaient trois. Puis aussi, il faut dire qu'il y a Black Soil qui joue. Voilà, c'est oui, ça. C'est Black, qui... Black Soil, justement. C'est voilà, Black Soil, justement, c'est des bons de chez nous. Et justement, je suis content qu'ils jouent. Et on va faire en sorte que par la suite, parce que j'espère que c'est qu'éphémère cette histoire de tribute, et promouvoir un peu plus toutes ces choses-là. C'est beaucoup mieux quand même. Mais on n'a rien contre vous, les gars, mais jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau de la composition et faites le tribute à côté pour rigoler, quoi. Voilà. Bon, ben, merci. Donc, du coup, ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont partir, là. Parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait qui faisaient partie d'autres groupes, là, comme Foxhole. Et qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu qu'il paraît que ça va enregistrer. Alors, un peu de stress ou... Non, ça va, pas de stress. Ah, il est tout rouge, mais il n'y a pas de stress. Bah moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que longue vie à Soupy, longue vie au Foxhole, longue vie à l'ODP, à l'œuf de pierre, mais faut revoir la formule. Voilà. Yes. Ben merci. Champignon électrique entre la drogue et la musique. enflammés, brandis bien haut par ceux d'en bas, les incompris. Le chômage en pleine gueule, les autres incrédits sur la vie, tous libres et égaux à ce qu'on dit. Une lance enflammée, brandis bien haut par ceux d'en bas, les incompris. Le chômage en pleine gueule, les autres incrédits sur la vie, tous libres et égaux. Et sur cette lance, ta tête, oui, toi, mais défigurée, tant ta mère pourrait reconnaître la mère qu'elle a chiée dans un costume gris. Le même que le jour que celui on t'a repris, sur quelques mots d'abord, puis sur l'essentiel. Ta présence parmi nous, l'odeur pestilentielle qui règne autour de toi, c'est nous. L'odeur qui règne au fond, c'est nous. Faut dire qu'on a mis le temps à réaliser. On avait beau se laver, ça partait pas. L'air vicié même à la campagne, l'air vicié même quand l'usine ferme. D'autant plus même, pourtant ça devrait être moins pollué. Mais l'odeur persiste, faut se faire à l'idée. Ce qui pue, c'est donc la cause de tous ces dégâts. À qui profite la rime? Vient l'heure du débat. Une lance enflammée brandit bien haut par ceux d'en bas, les incompris. Le chômage en pleine gueule, les autres incrédits sur la vie, tous libres et égaux à ce qu'on dit. Une lance enflammée brandit bien haut par ceux d'en bas, les incompris. Le chômage en pleine gueule, les autres incrédits sur la vie, tous libres et égaux. Au bout de cette lance, oui, toi qui as fait l'ENA, je l'ai plus stupide lorsqu'on t'a repêché. Au premier tour, faut dire, on a eu pitié, la scène en était pleine. Même Chirac était là, plus tard prévu, mais il y est arrivé. Premier mensonge tenu à porter au dossier, des bons points car il y en a rare. Mais il y en a pour épargner tout ceci. Tout cela, faut dire, vous ne saviez pas, du moins vous ne pensiez pas, on ne vous avait pas informé. Que l'envie était là, germait de ci, de là, moi-même je n'aurais imaginé. J'avais un rêve one day, comme disait le prophète, et je ferais tout pour y arriver. L'allure courtoise d'abord, ce qui me semble plus honnête, sinon par tous les moyens nécessaires, comme le disait Malcolm. Une lance enflammée brandit bien haut, par ceux d'en bas, les incompris. Le chômage en pleine gueule, les autres incrédits sur la vie, tous libres et égaux à ce qu'on dit. Une lance enflammée brandit bien haut par ceux d'en bas, les incompris. Le chômage en pleine gueule, les autres incrédits sur la vie, tous libres et égaux. Une lance enflammée brandit bien haut. Une lance enflammée brandit bien haut. Une lance enflammée brandit bien haut. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Une lance enflammée brandit bien haut. Une lance enflammée brandit bien haut. Une lance enflammée brandit bien haut. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. donner, ça va changer. So watch. Walking away. Hey, trees may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love that. Mascara bleeds into my eye. Vous êtes toujours dans la 120e Vampire Freaks, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de voir la petite interview des. C'est sympa, franchement, les mecs, vous avez assuré. On vient de... on écoute ensuite Fuck Me Freddy, le nouveau Bad Trip. On bon appétit. on a écouté ensuite Lance-Flamme de Control Tower en exclusivité, Brainwash by Government de Genetic Error, Armadillo, le nouveau du Void, et on a fini ce bloc en live avec Walk Away de Franz Ferdinand. On continuera cette émission avec Surprise de Los Payes. C'est sur son EP Surprise sorti en 2017. On retrouve Quasimodo, Du Temps au Musée et plein d'autres trucs. On retrouve sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Hécatombe de Georges Brassens. On écoutera ensuite Le Mur, le nouveau LPDB, c'est sur l'album Le Point de Bascule, sorti en 2018. On retrouve Consommé, Pétos, Dialectique en Toc. On les retrouve sur la page sur Facebook, Bandcamp et bientôt et toutes les plateformes. On écoutera ensuite She Does It Right de Dr. Feelgood, c'est sur l'album All to the City, un best-of 74-77. On retrouve Time and Devil, Casting My Spell et My Girl Josephine. On écoutera ensuite Little 16 de Jerry Lee Lewis. On finira ce bloc d'ailleurs en live avec Little 16 de Jerry Lee Lewis, un classique de chez Classique. Moi, j'aime les surprises. Pas trop les gens qui se déguisent en trompe-l'œil. Moi, j'aime aussi la banquise et ses habitants qui fondent comme neige au soleil. Je suis

I'm really rocking in Boston. Pittsburgh, PA. They've been a hard to take to the mouth. Round the Frisco Bay. All over St. Louis. Way down to New Orleans. Everybody wants to dance with Sweet Little 16. Oh, Sweet Little 16. You just gotta have. Excited, you ought to look at her run. In the heart of Texas, out of Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, everybody wants to dance with Sweet Little 16. On vient d'écouter Surprise de l'Opaïès, Hécatombe de Georges Brassens, Le Mur, le nouveau LPDB. On a écouté ensuite She Does It Right de Dr. Feelgood. On a eu ensuite Sweet Little 16 de Jerry Lee Lewis. Cette 120e Bumper Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toi. Et qu'est-ce qui se passe le 7 avril déjà? Merci à toi Jean-Philippe. Alors le 7 avril, il y a un petit concert. Avec trois groupes qui vont venir jouer à la couveuse, dont Access, un groupe de tribute de Accept, No Class, un groupe de tribute de Motorhead, et surtout Black Soil, un bon groupe de métal de chez nous. Voilà, un bon groupe de chez nous. Donc à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Mais on finira cette émission avec Rumours en live de Grégory Isaac. C'est sur Live à Paris en 1992. Et on retrouve tous les classiques de Grégory Isaac. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Auf Wiedersehen! Ready? Rumors are wild.